peu des mots, des heures au téléphone. Le temps passait si vite, j'étais toujours dans la friendzone. Elle était marrante, elle avait tout ce que je cherchais. Du mal à avouer que c'était celle que j'attendais. Lors des premiers rendez-vous, elle m'intimidait. Je perdais tous mes mots devant elle, j'avais besoin d'un coup de pouce. Mais c'est celle qui te mettait à l'aise. D'un geste sur ma main, t'as mon cœur qui faisait boum. Je pourrais tout lâcher et tu es pour elle. Je l'intimidais, je rigolais pour un comme une conne, fallait détendre l'atmosphère.